Nous sommes mardi 16 février. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Depuis Wuzilachanda de la commune Ndava en province Mwaro, le numéro 1 burundais est revenu dimanche sur la gravité des crimes de sang. Vous l'entendrez en début de cette édition. Près de 300 sacs de ciment type Buseko vendus hier à Gitega au prix officiel par la cellule mixte de sécurité provinciale et l'administration communale de Gitega. Jean de Dieu Irakoze nous fera plus de détails dans la chronique santé de ce mardi. Le neurologue Dr Patrice Barasukana nous parlera des signes de l'épilepsie. En international, l'Organisation mondiale du commerce est dirigée depuis hier par une Nigériane, première femme et premier dirigeant africain. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman. Parlons justice transitionnelle. Pour débuter cette édition, le président de la République du Burundi insiste sur la sensibilisation des Burundais sur la gravité des crimes de sang. Dans le discours tenu à Wuzilachanda de la commune Ndava en province Mwaro dimanche dernier, le président Évariste Ndayishimiye a précisé que la vengeance suite à la tragédie du passé est inutile. Selon lui, c'est le moment de la reconstruction du pays. Le numéro 1 Burundi salue le pas franchi dans ce travail, suivez-le dans cette traduction française d'Elie Nibel Nibigida. Le diable nous avait attaqués pour semer la haine entre nous. Imaginez dire qu'il n'y a aucune relation de fraternité entre compatriotes et l'on se réjouit même de leur mort. Regardez aujourd'hui, qu'avons-nous perdu si ce n'est pas ce que l'on a gagné avec cet amour mutuel? Il faut que l'on analyse cette situation pour qu'elle ne se répète pas. Qu'est-ce qu'on a vraiment perdu? Nous avions détruit notre bon pays que Dieu nous avait donné. Actuellement, c'est donc le moment de sa reconstruction. Et c'est un progrès. Nous sommes en train de reconstruire. Ce n'est pas aussi facile pour des gens comme les Burundais qui ont trempé dans des crimes imprescriptibles. Nous avons commis des crimes de sang. C'est un péché irréparable. C'est pourquoi je ne cesse jamais de le rappeler. Tu peux être auteur d'une autre infraction, mais un crime de sang, mets-toi à son écart. Une maison détruite peut être reconstruite. Un bananier peut être coupé et un autre peut repousser. Mais si tu décides de tuer une personne, tu ne la ressuscites pas. On t'impute un crime inutile. Que ce nouvel esprit nous soit acquis. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui garde rancune contre un autre? En plus, il ne sait même pas la date de sa mort, mais souhaite du mal à l'autrui. S'il meurt, il n'est pas comestible. Je voudrais vous dire qu'il faut vous écarter de ce crime de sang. En repentons-nous. Pour les crimes du passé, voulez-vous qu'on fasse recours à la vengeance? Est-ce que les morts seront ensuite ressuscités? Mettons-nous ensemble plutôt pour dire plus jamais ça. Puis, reconstruisons notre pays afin que l'on ne soit plus prisonnier du passé. Unissons-nous plutôt contre le retour de ces tragédies. Ensemble, c'est possible. Et j'espère bien que ce qui s'est passé ne va pas se reproduire. Le numéro 1 burundais, Évariste Ndayishimiye, en page gouvernance, la décision du ministère burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de suspendre les percepteurs des taxes en mairie de Bujumbura est salutée. En contrôle en amont, en aval des taxes devrait être fait, une suggestion de l'expert économiste qui estime qu'une réforme de collecte des taxes est nécessaire. Faustin Dikoumana trouve qu'il faut une déconcentration des services de la mairie suivie. Détourner environ 118 millions de francs par semaine. Si on a collecté 121 millions, alors qu'on collectait 3 millions, ça veut dire que 118 millions par semaine. Et là où le Babé, c'est un système qui s'érige, qui doit partager cet argent. Au Burundi, il y a des gens qui ont déjà érigé à mode de vie cette pratique de détournement des deniers publics pour subvenir à leurs besoins. C'est cet enrichissement illicite qu'on dénonce régulièrement. Et les conséquences sont vraiment énormes pour la vie des citadins. Et vous savez, les services de la mairie, l'état des routes, l'éclairage public, tout cela, vous voyez comment l'entretien est souvent difficile alors que la mairie devrait collecter de l'argent suffisant pour faire face à ses besoins d'entretien et d'assainissement de notre ville. Ce qu'on doit faire, il faut moderniser le système d'eau correcte, réformer le système d'eau correcte, multiplier les contrôles et impliquer la mairie. Parce que monsieur le ministère de l'Intérieur est en train de le faire. J'imagine que demain, c'est les agents de la mairie qui pourront relayer ça. Et surtout, aller vers la déconcentration des services de la mairie à travers cette décentralisation dont on a parlé. Un autre élément important, c'est aller même jusqu'à suivre la gestion de cet argent. Première étape, c'est au niveau des collectes. Deuxième étape, comment la gestion des fonds collectés est assurée? Est-ce que la gestion est transparente? Comment est-ce qu'on fait les rapports du budget de la mairie? Est-ce que les passages de marché se font comment? Donc tout cela, il faut en amont au niveau de la collecte contrôlée et en aval aussi au niveau de la gestion. J'imagine qu'il faut vraiment un audit général pour contrôler le fonctionnement des services de la mairie. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition des eaux usées se déversent en pleine rue à l'avenue du Large dans sa partie située en face du terrain Tempête. C'est en mairie de Bujumbura. Certaines personnes rencontrées ce mardi à cet endroit lient ce phénomène avec la montée des eaux du lac Tanganyika et demandent sa réhabilitation. Reportage signé Vestine Outoï. La partie de la route communément appelée Avenue du Large et où jaillit de l'eau se localise tout près du terrain dit Tempête, en face de la rue Bukira Sazi du quartier asiatique, servant de liaison avec la radioculture. Sur cette même rue, il y a le parking de taxi. Dans l'endroit où jaillit de l'eau, on y voit un tassement de terre et un regard bien fermé autour duquel coule de l'eau. Certaines personnes exerçant le métier de conducteur de taxi rencontrées sur place pensent que ce phénomène serait lié à la montée des eaux du lac Tanganyika. Par conséquent, elles déplorent la coupure de la route au niveau où jaillit de l'eau si rien n'est fait dans l'immédiat. Ces personnes exerçant le métier de conducteur de taxi demandent la résolution de ce problème avant que la situation ne s'empire afin de minimiser les dépenses pour cette fin. Vestine Boutoui, je vous l'avais annoncé en titre, en page commerce, plus de 270 sacs de ciment type Bousséco ont été saisis et vendus au prix officiel par la cellule mixte de sécurité provinciale de Gitega en collaboration avec l'administration communale de Gitega. C'était hier. Au cours d'une descente de contrôle effectuée dans les stocks de ciment, certains commerçants détaillants appréhendent et expliquent qu'ils achètent le sac à un prix compris entre 26 et 28 000 francs burundais, mais sous condition d'accepter la facture de 24 500 francs burundais par sac. Chez les grossistes, ils reconnaissent de revendre entre 29 et 30 000 francs burundais. Les détails avec Jean de Dieu, il a causé depuis Gitega. Cette activité de contrôle des stocks du ciment Bousséco dans la ville de Gitega a débuté le matin de son lundi. Un des commerçants détaillants de ce produit appréhendé à Gassavé explique qu'ils achètent à 28 000 francs burundais le sac, mais sous condition d'acceptation de la facture de 24 500 francs bout le sac, ce que les commerçants grossistes nient. Quand nous allons acheter du ciment, si tu es censé ce jour, ils te demandent de payer 28 000. Mais il mentionne 24 500. Nous vendons à 29 000 francs et nous ne gagnons que 500 francs car nous payons 500 au transporteur à vélo pour le déplacement du ciment. Au terme de ce contrôle, 273 sacs saisis et vendus publiquement à ceux qui en ont besoin à un prix officiel de 24 500 francs burundais, fait savoir Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega. Ces sacs vont être vendus à la transparence. C'est la population qui va acheter à 24 500. On va comptabiliser pour chacun le montant qu'il devrait percevoir en appliquant le 24 500, mais nous allons retirer les frais que nous avons utilisés pour le déplacement de ce sac de ciment. Et nous avons une réglementation qui dit que les grossistes qui vendent à des prix exorbitants, ils sont punis par l'amende allant de 1 million à 5 millions. Mais également, nous devons fermer son stock. Et nous allons continuer les investigations. Et celui qui sera coupable et qui l'a vendu à plus de 24 500 alors que c'est un grossiste, il doit être puni conformément à la réglementation. Pour les acheteurs comme vendeurs du ciment Bousséco, usant de factures non conformes à la somme payée, tous doivent subir des sanctions, précise Vena Manirambona. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. De la capitale politique burundaise, revenons à Merido Bujumbura, la capitale économique pour... Mais c'est plutôt de rendons-nous à présent à Kirundo, où l'administrateur de la commune Kirundo demande à ceux qui exécutent le projet d'extension d'eau potable en commune Bugabira de penser à alimenter aussi certains endroits de la commune Kirundo où passent les tuyaux ramenant de l'eau de la commune Vumbi vers la commune Bugabira. Et cela ressort de la rencontre hier du ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, Ibrahim Ouizé, avec le gouverneur de la province Kirundo et certains administratifs. Le point avec Agnès Naumagadze. Comme l'indique le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, les communes de Bugabira et certains endroits de la commune Kirundo ont des problèmes d'insuffisance d'eau potable par rapport aux autres communes qui sont Nega et Vumbi, qui ont beaucoup de sources d'eau et un taux d'eau potable élevé par rapport aux autres. Le gouverneur a aussi ajouté que la ville de Kirundo n'a pas eu d'extension d'eau potable depuis les années 1990, alors que cette ville s'est étendue. C'est dans cette optique que Habimana Viator, administrateur de la commune Kirundo, demande à ceux qui exécutent le projet d'extension d'eau potable à Bugabira de penser à certains endroits de la commune Kirundo où passent les tuyaux d'eau qui ramènent l'eau vers la commune Bugabira. Le ministre de l'Hydraulique des Énergies et Mines, Ibrahim Ouizeye, a informé que la commune Bugabira est prioritaire dans ce projet sur ce fait qu'elle a des problèmes d'eau potable plus que les autres communes de la province Kirundo. C'est pour cette raison que le gouvernement burundais a investi dans ce projet une somme de 5 milliards. Il a aussi interpellé le gouverneur de la province Kirundo et les autres administratifs de suivre de près ce projet qui est si bénéfique à la population et surtout de suivre certaines organisations qui ont travaillé dans le secteur eau et que leurs projets n'ont pas été bénéfiques à la population faute de suivi. Le ministre a aussi informé que la demande de la commune Kirundo va être étudiée pour voir la faisabilité d'alimenter ces endroits en eau potable. De Kirundo, Agnès Nomagadze pour la radio Sanganiro. De Kirundo, revenons à Mairie de Bujumbura, où le pont reliant les zones urbaines de Musaga et Kanyosha se trouvant à la 12e avenue du quartier Kinanira 2 peut s'effondrer si rien n'est fait suite au ravin causé par des eaux de pluie stagnantes. Les habitants de cet endroit demandent la réhabilitation de ce pont dans les meilleurs délais. Eric Witonze, chef du quartier Kinanira 2, fait savoir qu'il a soumis ce problème à ses supérieurs, tout en précisant que les experts ont estimé que les travaux de réhabilitation de ce pont vont coûter cher. Radio Isanganiro, chronique santé. Pour déterminer qu'une personne est atteinte de l'épilepsie, doit y avoir des signes répétitifs et un bon interrogatoire. Docteur Patrice Barasukana, spécialiste neurologue, indique que les personnes ayant moins d'une année, plus de 60 ans, sont les plus touchées par la maladie. La chronique santé de ce mardi est signée Yvette Nijimbir. Les personnes les plus touchées par l'épilepsie sont les enfants de moins d'une année et les personnes âgées de plus de 60 ans. Docteur Patrice Barasukana explique qu'entre ces âges, le cerveau de l'être humain peut facilement être sujet de plusieurs lésions pouvant entraîner les crises d'épilepsie. C'est moins d'une année et après 75 ans. Normalement, c'est très rare qu'on ait une épilepsie après 20 ans. Donc, avant 20 ans, tout est possible. Après 60 ans, tout est possible également parce que avant cet âge, on va dire que le cerveau est encore immature. Il est sujet à plusieurs lésions pouvant entraîner ces crises d'épilepsie. Et après 60 ans, le cerveau aussi commence à prendre l'âge et donc peut avoir des lésions qui passent inaperçues cliniquement et qui peuvent être à l'origine des crises d'épilepsie. Ce spécialiste neurologue signifie que le diagnostic de l'épilepsie est clinique et qu'un bon interrogatoire de la victime et de son entourage est nécessaire pour déterminer si une personne est atteinte de l'épilepsie. Le diagnostic de l'épilepsie, il est clinique. Il faut un bon interrogatoire de la victime pour aboutir au diagnostic. Dès que vous vous écoutez très bien, vous faites un bon interrogatoire auprès de l'entourage, parce que la victime ne saura plus de ce qui lui est arrivé. Quand vous faites un bon interrogatoire au sein de l'entourage, le diagnostic est fait aisément. Si vous doutez, vous faites des examens complémentaires pour étayer votre diagnostic, en faisant par exemple l'électroencéphalogramme, en faisant des imageries cérébrales comme le scanner cérébral ou l'IRM cérébral. L'épilepsie a plusieurs formes en fonction de l'âge. Patrice Ebalasukana indique que même le choix du médicament dépend du type d'épilepsie. Il y a plusieurs formes d'épilepsie en fonction de l'âge. À moins d'une année, il y aura ce qu'on appelle les syndromes de West, les épilepsies myoclonique juvéniles, plutôt l'épilepsie myoclonique infantile. Et quand l'enfant commence à prendre l'âge, prenons par exemple vers 4 ans, on peut avoir les épilepsies absences. On peut avoir vers 12 ans, 15 ans, on peut avoir les épilepsies myocloniques juvéniles. On peut avoir les épilepsies grand mal du réveil. Donc il y a plusieurs formes en fonction de l'âge. Et très important qu'au cours de l'interrogatoire, on fasse un bon diagnostic pour un bon choix du médicament. Docteur Patrice Ebalasukana conseille aux parents de transférer leurs enfants dans les structures sanitaires aussitôt possible qu'ils manifestent des signes de la maladie. Il demande au gouvernement de rendre disponibles les médicaments pour que la prise en charge de la maladie soit effective. Poursuivons cette édition. Les passagers dans les bus de transport en commun en mairie de Bujumbura qui ne portent pas des masques ont été contraints ce mardi par la police de s'en acheter ou de circuler à pied et interdits de monter à bord de ces bus de transport en commun. Le point avec Omer Douayo. Le port des masques pour les passagers et les transporteurs est une obligation pour monter dans le bus depuis ce mardi au centre-ville de la capitale économique de Bujumbura. La police qui intervient dans cette activité refuse à toutes les personnes qui ne portent pas de masque l'accès au bus. Nous sommes obligés de descendre le bus en cas de non-possession du masque, nous diront un des passagers rencontrés sur le parking des véhicules qui se dirigent vers le nord de la capitale. Pour les passagers, la mise en application de cette décision policière constitue un défi vu le relâchement devenu de mise. Moi, je suis surpris d'être arrêté pour mon déplacement. Le masque, j'en ai, mais je l'ai laissé à la maison puisque je ne voyais pas de rigueur pour le port de masque. Mais pour le moment, on vient de m'arrêter de prendre un bus parce que je n'ai pas de masque. Je ne comprends pas comment faire alors, si je vais rentrer à pied ou pas. Pour ces passagers, le port des masques devrait être une décision qui s'applique au quotidien et de façon régulière afin de ne pas être surpris. En nous demandant que des surprises soient arrêtées parce que ce n'est pas tout le monde capable de s'acheter le masque momentanément. Toutefois, les passagers comme les conducteurs se conviennent sur la nécessité du port de masque en public. Omer Ndouaye, terminons cette édition par assez brève en actualité internationale. Après de 6 mois sans dirigeant, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, vient de nommer, c'était hier, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala comme première femme et premier dirigeant africain à la tête de l'institution. Le docteur Okonjo était auparavant ministre des Finances du Nigeria. Et le sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est ouvert hier lundi, 15 février, élargi à plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et des pays arabes. Le sommet se penche sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé hier l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge du sommet du G5 Sahel à N'Djamena, selon un tweet de la présidence écrit la RFI sur son site web. Voilà, à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser, à Alphonse Koubimana qui a assuré la mise en onde de jeudi. Merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang.